4 heures du mat sur Énergie. Salut, salut, bonjour. Oui, c'est férié aujourd'hui. Hein. On est le 1er novembre. Courage si vous t'avez déjà. Aussi bon entrée de soirée aussi. Hein. C'est vrai. Ceux qui ont fêté Halloween super tard. Kaiser Panda et Chiran, et puis comme d'hab, le meilleur de Mickaël, le Rico Show, le meilleur de Koé et le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. C'est la suite. Suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche muy larga. Así que vamos a quitarnos toda la caña. Si tú estás bien, habla portugués. Conmigo mujer y si no pues tú no ven. Esta noche yo voy a hacerme con el palpé. De noche me flauco como Yandel. Con tus amigas en el barrio, guaraná, rumba y tequila. Déjate el tren, mamacita. Todo el mundo quiere, toda la mami lo quiere. Sé que prefiere, mami, tu cuerpo no miente. La gente me echa, Bogotá para rumbear y Bogotá para danzar. Hemos llegado todos ya, Pipura y en el oriente. Todos quieren fiesta y bailar. La gente me echa, la gente quiere fiesta y rumba. Ya la vea, quiero el ritmo sin ley. Papi, Pipura, vamos a romper. Jeudi 1er novembre sur Énergie, c'est Cédric. J'espère que tout va bien, que ça se passe bien la nuit pour vous tous, que ce soit au taf, sortie soirée aussi hein, pour certains d'entre vous. N'oubliez pas, Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Voilà, on prend soin de soi. Ed Sheeran dans la playlist Énergie, on va écouter ça avec aussi Dadju et Alvaro Soler, et puis le meilleur de Mickaël. 23h jusqu'à 3h toutes les nuits sur Énergie, et là c'est le best-of. Le temps pour nous de jouer au jeu du Partons pas fâché avec Loris qui est avec nous, 22 ans à Marseille. Salut Loris! Ça va et toi? Ça va, ça va, je t'ai rien demandé, mais ça va. Ça, non, je rien. Je rigole, Loris. Bah, ça va très bien, merci, c'est gentil. T'as passé une bonne journée? Bonjour à toute l'équipe, du coup. Et bah, toute l'équipe te salue, hein. Bon, sauf Polo, puisque tu viens de Marseille, hein, bien sûr. Mais ouais, sinon. Non, bah, oh, pas du tout, je baillais, excuse-moi. Ah, pardon. Ah, normal. Bah oui, normal. Presque. Bon, Loris, alors, on va jouer au jeu du Partons pas fâché. Le principe du jeu du Partons pas fâché est, ma foi, simple de base, hein. C'est que tu vas choisir quelqu'un dans l'équipe que tu vas devoir affronter. Alors, dès le début, avant de t'expliquer la suite, je vais directement te donner les statistiques des personnes les plus faciles à battre à la personne la plus difficile à battre. Et donc, pour l'instant, Amina est toujours en tête de gondole, enfin en queue de gondole plutôt, avec 9 défaites tout de suite. C'est drôle, elle est nulle. C'est hilarant. C'est public. Salle de public. Voilà. Ensuite, il y a où est-ce qu'il y a ben, il y a Polo et Toff qui sont main dans la main avec une victoire chacun. Non, t'es dans sa main avec lui. Mais pas avec non, moi je suis au-dessus. J'ai 2 victoires. Je suis au sommet du sommet pour l'instant. Loris, bah, c'est normal, Mickaël. Mais je te remercie, Christophe. Tu veux jouer contre qui, dis-moi? Moi, je vais jouer contre Polo. contre Polo, très bien. Le même match d'hier, Paris-Marseille, qui a bien marché pour Paris, hein, puisque Polo a gagné. Ce qui est marrant, c'est que ça m'étonne pas. Tu viens de Marseille et tu imagines que tu es en train de jouer un match de foot. C'est pour ça que tu me choisis. Oh là là là là. J'ai fait que les Polos, en général, ils sont pas très bons. Comment il y a la haine. Oh là là là là. Bon, allez hop, on y va. Qui commence? Tu commences ou pas, Loris? Non, je laisse Polo commencer. D'accord. Moi, j'ai un peu sa perf. Ok, très bien. Loris, je te mets de côté. Donc, le principe du jeu, c'est avoir une discussion de rupture avec la personne qui va décrocher. On sait pas si c'est un garçon ou une fille. Si Polo arrive à avoir une discussion tout court, ce serait déjà pas mal. Oh là là. Mais c'est normal. Elle est agressée par Mickaël non-stop, mais comme c'est une bouffonne et une lâche. Elle est agressée par moi, elle est agressée par rien. Laisse-moi finir. C'est vrai, Mickaël ne m'agresse jamais. Donc, comme c'est une lâche, elle va, comme d'habitude, comme la spécialité des lâches. Donc agresser celui qui t'offre des cafés, voilà, mais dorénavant, c'est terminé. Voilà, la personne qui est sympa avec elle, qui prend soin d'elle, qui lui explique des trucs. Tu joues là cool avec elle. Bon, la gueule, toi. Toffy, il fait la police là. La gueule, là, va te brosser les dents. Fais la police. Bon, allez, on y va, c'est parti. Jeu du partons pas fâché. Le but, faire mieux que. Enfin, ne pas se faire accrocher au nez avant son concurrent. C'est parti, Polo démarre donc. Tu t'es fait briser même là. T'as intérêt à assurer parce que là. Qui est-ce qu'il a raconté? Tu t'es fait terminer là. Par qui? Par tout le monde, par nous tous. Elle est bête cette meuf. Allô? Allô? Oui, bonsoir, ça va? Tu vas bien? Qui parle? Tu sais très bien qui c'est. Fais pas semblant, écoute, je sais qu'entre toi et moi ce n'est plus possible. Bon, voilà, je te quitte ce soir. Ne partons pas fâchés. Ne soyons pas tristes, ni toi ni moi. Bah, 17 secondes. Hein. Oh, c'est bien, c'est pas mal. On va partir fâché. C'est pas mal. Et ben voilà. Et ben voilà, Loris, 17 secondes, score à battre. Ça devrait aller, quoique. Oui, jamais. On sait jamais. Bah, on va essayer. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. À ton tour, on y va. T'as compris le principe? Pas de questions avant qu'on appelle? Non, c'est bon, de toute façon, vas-y. Très bien. Bon, allez hop, c'est parti. On y va, on appelle tout de suite. Je te souhaite bonne chance. Bonne chance, Loris. C'est parti. Prends ton temps, attention. Ouais. T'as un boulevard, là. Ouais, le cul d'Amina, c'est un boulevard, donc vas-y, direct, straight. Non, il paraît que c'est ton ami. Non, c'est ton trou de balle. Non, c'est le tien. Hein. Non. Je veux dire, on a des photos et des films maintenant. Oui, allô? Ah, ouais. Allô? Oui? Pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce qu'il fait? À qui désirez-vous parler? Non, mais j'ai la corde autour du cou, là, je suis prêt à me jeter. Hein. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as trompé avec lui? Eh oui. Et malheureusement, Loris, ça n'a fait que 16 secondes. Donc, nous allons quand même rappeler cette dame, hein, histoire qu'elle pense que personne ne va se suicider. Hein. Oui, parce que. Eh oui, Loris, tu sais que t'aurais pu gagner si t'avais pas été aussi agressif. Non, mais surtout que c'est pas une rupture là. Pourquoi tu m'as fait ça? Après, il aurait pu switcher sur la rupture, why not? Why not? Mais quoi qu'il en soit, là, malheureusement. Non, mais là, c'était même pas partons pas fâchés, c'est partons pas pendu ou c'est quoi le jeu du suicide? Ouais, mais enfin, de toute façon, il a perdu, donc c'est pas comme s'il avait gagné et que t'étais en train de. Ah, viens pas nous faire chier là. Mais c'est un truc de ouf, c'est bien. Bah, parfait, caution. Eh bien, je ne dirai plus rien, et bien dorénavant, je ne dirai plus rien, voilà. Très bien, je m'abstiens. Eh ben, c'est ça que vous voulez? Eh ben, très bien. C'est ce que je vais faire, voilà. Eh ben, dorénavant, eh ben, c'est comme ça, eh ben, très bien. Mais je vous annonce, dans quelques temps, venez pas pleurer, genre. On a foutu. Je ne dirai plus rien. On fait plus d'audience, gna. Bah oui, faudra pas venir se pleurer. Je ne dirai plus rien. Voilà. Parfait. C'est tout. Je parle plus. Et ben voilà, très bien. Ah bah vous avez remarqué, allez, à la bonne heure. Mickaël vient d'agresser Amina, il ne dit rien là. Par contre, on va dire ouais, Polo, il a perdu. Tiens. Bon, et ben Loris, malheureusement, oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne suis pas Marseillais. Voilà, tu vois, je suis pas en train de me vanter, il a perdu. Oh, il a perdu. Non, là. Voilà. Bien joué. Non, j'ai pas bien joué, mec. Non, c'est vrai qu'il a pas bien joué pour le coup, mais bon. Bon, Polo, le triomphe, le ta gueule, ferme ta gueule. Loris, merci d'avoir appelé en tout cas. T'hésites pas, tu nous rappelles quand tu veux. Bientôt. Et à bientôt, Loris. Salut à Marseille. Ciao à toi et ciao à vous tous. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms. Only a month we've been apart, you look happier. Saw you walk inside a bar, He said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you. Baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile and hide the truth. That I know I was happier with you. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Sat in the corner of the room. Everything's reminding me of you. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier, aren't you? Well, ain't nobody hurt you like I hurt you. But ain't nobody need you like I do. I know that there's others that deserve. I guess you look happier with you. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Baby, you look happier. I knew one day you'd fall for someone new. But if he breaks your heart like love for you. Ouais, vous êtes sur Énergie, j'espère que tout va bien, que vous avez tous bien dormi. Voilà, si c'est le réveil pour vous, direction le taf en ce jour férié, ben bon courage. On va écouter Dadju dans la playlist Énergie. Il y aura aussi pour vous Alvaro Soler et Marshmello. Et avant de le retrouver à 20h avec toute l'équipe sur Énergie en direct, voici le meilleur du Rico Show sur Énergie. Le podcast du Rico Show, 20h-23h, sur Énergie. Et le bail du jour, effectivement, c'est Uber qui fait sa pub en s'affichant sur des taxis. Ils se payent la tronche des taxis. Et les mecs ont déclaré, putain, on se tire une balle dans le pied, puisque les chauffeurs privés sont en publicité sur les taxis. Là, je peux plus rien pour vous, mes amis des taxis. Je sais qu'il y a une petite guéguerre avec les VTC. Mais là, les gars, si vous êtes en train de promouvoir la concurrence... On peut rien faire là. Non, mais c'est bien, ils veulent la paix, ils prennent la paix après tout ce qui s'est passé. Je pense qu'Uber se fout de la gueule des gens. Ouais, je pense que les taxis ont des contrats de publicité, ils sont obligés d'accepter. Ouais, je crois que c'est ça. En plus, ils prennent de l'argent, c'est normal, tu vois. Mais voilà, tu peux pas faire de la publicité pour un mec que tu détruis à longueur de journée. Voilà. Du coup, on invente nos publicités contradictoires, mon tombeur. Ah bah moi j'en ai un. Ouais. Tu sais, le lait pour les nourrissons. Ouais, ouais. Pour sur les yaourts Tatinova là. Ouais. Tu vois Tatinova. Ouais. Enfin, Mamunova. Ouais, elle va. Quoi. C'est contradictoire. La mamie, elle le nourrisson. Non, il a rien compris. Lui. Rien à voir. Malade. Il est là pour les quotas. Hein. Je vous le rappelle. Franchement, il me gêne beaucoup. JM. Un shampoing pour les cheveux, sinon ça servirait. Exactement. C'est plutôt ça le tombeur. Ah ouais. Oh là là, il comprend pas les consignes. C'est par exemple une marque de préservatif qui fait une pub sur des couches Pampers. Voilà. Là oui. Comment tu vas avoir des gosses si tu mets un préservatif Ou sur des tests de grossesse alors plutôt. C'est un peu ça. Bravo mon tombeur. Il a enfin compris le petit jeu qu'on fait depuis 5 minutes. Il est phénoménal. Il est fou. Non mais franchement c'est un artiste. Alors moi c'est comme si j'allais à ma petite boucherie halal du coin et qu'il y avait des pieds de porc. Exactement. Est-ce qu'il a compris le neuneu? Ouais, c'est bon. C'est comme si vous mettiez Sylvain sur un bécherel. Est-ce qu'il a compris le neuneu? Ouais, c'est bon, j'ai compris. Ouais. Ah, c'est beau. Tiens, on va reprendre Morgan là qui nous racontait justement bien que la SNCF par exemple, s'ils inventaient une montre, ce serait la grosse blague. Morgan, t'as d'autres doses toi mon Morgan? J'ai un Optus, alors je regarde Canal Plus pour les matchs et pour les matchs de foot et de temps en temps je tombe sur une pub pour Bein Sport. Ça c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est fou. Tu regardes Canal, c'est comme si Énergie d'un coup disait allez voir le voisin, écoutez la radio d'en face. Mais jamais. Non, mais c'est vrai, c'est ouf. Mais il a raison Morgan, de temps en temps tu regardes Canal, c'est vrai. Ça peut arriver. Et ils font la pub pour le voisin. Ouais, parce que c'est l'histoire de bouquet, je sais pas quoi, mais bon. C'est une histoire de pognon. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que c'est chelou, c'est comme si moi demain je vais chez Franck Provost et ils vendent des shampoings Fabio Salsa. Grave. C'est vrai.

Oui, vous êtes sur Énergie, une belle journée tout le monde. J'espère que ça va ce matin, bon réveil avec nous. On va écouter 3 cafés gourmands, ils seront avec nous samedi, hein, semaine prochaine au Energy Music Awards. Il y a les places à gagner encore toute la journée ici sur Énergie. Voilà, 3 cafés gourmands, The Prince Karma. Et avant de le retrouver à 23h ce soir, c'est le meilleur de Mickaël sur Énergie. Bon, Jérôme est avec nous, bonsoir Jérôme. Bonsoir, comment vas-tu? Eh ben très bien, et toi? Eh bien écoute, ça va, je suis sur la route. Bon, et donc qu'est-ce qui t'amène Jérôme? Juste pour te dire que j'ai fait une super rencontre originale, atypique, qui n'a rien de Tinder, qui n'a rien de tout ça. Cette rencontre m'attire, mais je ne sais pas qui c'est, puisqu'il est sur c'est tous pas les réseaux, il est à droite et à gauche, ouais, il est partout. C'est top ça. Mais je ne sais pas qui c'est, et en même temps... Est-ce que c'est un brun, assez beau gosse, qui fait du sport? Il est plutôt blanc. En fait, c'est sport électrique. Il est blanc, il est beau gosse, il a petite trentaine. Tof. Et il est moi, je suis pas il beau. Est là, il est présent, il est adorable avec moi, il me veut que du bien, et il me fait prendre des bonnes décisions. Je suis ravi. Tof, si t'as un truc à dire, c'est le moment. Non, non, là j'ai rien à dire, je suis innocent. La trentaine, blanc, ce n'est pas moi. Tu peux y aller, Tof. Oui, oui, je pourrais, mais non. Fais-toi plaisir. Hein. T'as toujours rêvé d'être travesti, vas-y, profite. Pas du tout. Mais comment ça, ce mec-là est partout et omniscient et tu sais pas qui c'est? C'est quoi le délire? C'est ça, omniscient. Mais c'est-à-dire qu'il est venu chez moi par les réseaux sociaux, il est partout. Il est partout. Alors je sais pas qui c'est, il est dans mon PC, dans le téléphone, il est partout. Et il est adorable avec moi, il est plein de bonnes intentions, il veut que du bien. Je suis obligé de l'écouter pour changer de vie, puisqu'il veut. Apparemment, c'est pour ça que... Non mais attends, il y a un moment donné, arrête de... C'est quoi? C'est un esprit? C'est quoi? Arrête ton cinéma, c'est qui? Et non, je ne pense pas que ce soit un esprit, je ne pense pas. C'est quelqu'un qui maîtrise très bien l'informatique. Alors attends, je vous garde. Mais quoi, c'est un ami, alors là... un ami imaginaire, un truc comme ça, non? Bah oui, c'est ça, il vient d'où, peut-être, ce mec? C'est peut-être quelqu'un dans ta tête. Ouais, ouais, c'est possible. Hein. Ouais, je l'ai cru au début. Je l'ai cru, mais je t'assure, par contre, je ne suis pas fou. Et j'ai compris au bout d'un moment qu'il était présent, qu'il était réel. Il y a des questions. C'est pas comme dans Venom, t'as un extraterrestre en toi et il te parle. Un symbiote. Ouais, arrête, je suis pas fou. Arrête, non, je suis pas fou. Il est vraiment dans ma vie. Ah non, mais il est pas fou. Il est adorable et je demande qu'une chose. S'il m'entend, c'est plutôt un message que je vais lui lancer quelque part. Tu vois, tout là-haut, je ne sais pas comment lui rentrer en contact avec lui. En même temps, s'il est dans ton téléphone, il t'entend. Hein. Mais t'as fumé quoi avant de nous appeler? Je n'ai pas son numéro. Bon, moi, tout va bien là. Non, je roule. Et s'il habite chez toi et tout ce que quand, tu quand veux, tu roules, tu parles de quoi exactement? Non, non, on n'habite pas ensemble et je demande qu'une chose, c'est de le rencontrer réellement, passer du temps. Rendu. Un week-end entier et il est aussi travesti. Hein. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un kiff entre nous. Deux traves ensemble. Et on va être complémentaires. On est-ce qu'il porte bien. Un sweat capuchon? Ah, on va être complémentaires comme des Legos, tu vois. Mais c'est vrai. Tu vois. Non, parce que sinon, on sait qui c'est, hein, si jamais ça correspond à... Ça correspond à la description. Un grand travesti, nous. 1m80, bedonnant. Non, il est d'une gentillesse. Ah oui, oh là là. Une petite trentaine. Il est fin. Il est mignon comme tout. Il est gentil, un petit blanc. Non, c'est qui? C'est Mickaël. Mais non. Bah, un beau gosse, il y a que Mickaël ici. Non, c'est pas moi en tout cas. Intelligent, réfléchi, plein de bonnes choses. Plein de bonnes valeurs. Des valeurs. C'est Amina. Mais non, c'est un mec, il a dit. Je veux qu'on te voie. Alors, mais tu le connais ou pas? Non, je le connais pas. Mais comment ça, il traîne dans ton ordinateur? C'est un hacker. Il a dit, il traîne dans mon ordinateur, il est là partout sur les réseaux sociaux, mais il est là. Putain, l'accent du bled. C'est un hacker. Le son du bled. Quel bled. C'est un hacker. Je suis pas fou. Mais on n'a pas dit que t'étais fou. Non. On n'arrive pas à matérialiser le concept. Alors, c'est carrément le concept, il n'y a pas de concept. Il est délire. Conceptuel. Ouais, mais est-ce que c'est un hacker ou pas? Et il faut lui poser la question, on s'en fait. Mais c'est qui? Il est où? C'est qui? Je pense que c'est quelqu'un qui maîtrise très bien l'informatique, c'est un geek. C'est un geek qui aime ça. Mais c'est quoi? C'est Mark Zuckerberg, le gars? Putain, je comprends rien ce qu'il me raconte. C'est un pirate. Donc, c'est pas forcément un pirate. C'est un geek, c'est quelqu'un qui veut du bien. Ouais, mais est-ce que c'est un hacker? Peut-être c'est Anonymous. On a plus de nouvelles d'eux, d'ailleurs. Ouais. Oui, c'est vrai. Non, mais arrête de dire c'est vrai à chaque fois. Qu'est-ce que veux-tu?

question is, I'm not, like, wearing any underwear, so... Later, bitches. Vous êtes sur Energy, c'est Cédric, j'espère que tout va bien. On se fait pour la suite Aya Nakamura, nommée au Energy Music Awards, les votes energy.fr. Aya Nakamura, Imagine Dragons, et voici le meilleur du Rico Show, 20h, 23h le soir sur Energy et le matin en mode best-of pour vous écouter. Le podcast du Rico Show, 20h, 23h sur Energy. Les amis, on parle de l'amitié homme-femme. Oui. Surtout, quand est-ce qu'on est sûr que l'amitié, elle est réelle? Alors, je veux bien croire qu'elle est jamais réelle, que vous n'y croyez pas, mais me faites pas croire que dans une relation entre deux personnes, à un moment donné, elle n'est pas existée. Elle a peut-être existé une heure, deux heures, un mois. Comment s'assurer que cette amitié est réelle ou non? Vos techniques, vos attitudes, vous venez 0800 70 42 48. L'appel est gratuit. C'est votre émission. Vous déboulez avec vos méthodes et on s'aide tous entre nous. D'ailleurs, Mélanie a fait le numéro. Ça va, Mel? Salut, Rico. Salut, Mélanie. Ça va, chérie? Alors, Mel, comment ça se passe du côté de l'Essonne? Je sais que toi, t'as des doutes. Moi, je suis dévie et mon meilleur pote depuis genre 15 ans maintenant. Genre, ouais. Depuis l'adolescence. Ouais. On est devenus encore plus proches avec les années. Tu vois, on a même vécu en coloc et tout. C'est un gros baiser. D'accord. Ah ouais. Franchement, genre, comme un frère, tu vois. Toi, un jour, tu l'as consolé. On s'était tenu les cheveux en soirée. Ah ouais. Ah oui, vrai pote. On s'est toujours protégé, genre par exemple si draguait une meuf moche parce qu'il était là, je le prévenais et inversement, tu vois, genre ah si ouais. Un mec un peu ah ouais. Ouais. Bof, me draguait, ça sent la sécurité. C'est bizarre. Ouais. Et je sais pas, depuis quelques mois, genre depuis qu'on vit plus en coloc, ouais. Parce qu'on a fait aucun autre truc, genre il voit moins de meufs et tout. De toute façon, déjà votre relation elle est chelou. Grave. Si Jacqueline expliquait. Non, c'est possible, j'ai d'autres meilleurs potes mecs aussi, hein. C'est comme des frères, hein, franchement. Ouais. Moi je suis la sœur qu'ils n'ont pas eu et tout. Ouais. Et ça arrive. Non, vous, jamais dans de bah, en fait, c'est. Moi je trouve que ça. Moi souvent, franchement, ça n'a pas trop marché, non, cette histoire. Mais tu peux avoir un pote mec, mais pas faire comme si c'était ta pote copine et l'appeler tous les jours, le voir tous les jours. Grave. Parce que là, il y a une relation chelou qui s'installe. Ouais. Tu peux pas aller en boîte, lui tenir les cheveux, lui raconter ta vie, tes histoires. Faut garder ses distances. T'es non, mon ami, mais trucs, on garde distance. C'est un mec. De toute façon, c'est un mec. Hein. Si je l'appelle tous les jours, je vais tous les. Ouais. Mais non, du coup, ouais, je me dis que peut-être que les sentiments ont changé. En plus, toi, on approche la trentaine. Enfin, lui, j'aime. Ah ouais. Mais Mélanie, il y a espoir dans ton cœur ou quoi? Hein? Est-ce qu'il y a espoir de ton côté ou pas du tout? Absolument pas. D'accord. Bon, alors c'est la question. Comment Mélanie peut-elle voir si son amitié est sincère? Comment elle peut le tester là? Tac, bim, bam, bim, ça tombe. Sylvain. Je sais pas. Par exemple, elle lui présente des mecs à elle. Ouais. Et elle, des mecs à elle. Des mecs, genre elle en a plein. Enfin, son mec, par exemple. Ah ouais, d'accord. Et après, tu vois comment son pote réagit. Ouais. D'accord. Tu vois, si par exemple, elle le massacre, le mec le massacre, ouais. On lui dit, ouais, lui, il est nul, arrête avec lui et tout. Ou, tu vois, si il commence à s'intéresser à lui, ouais. Là, c'est différent, tu vois. Moi, je pense que c'est ça, la jalousie où tu peux voir si le mec truc. Est vraiment sincère Mais ou pas. Mais est-ce que quand il y a doute, il n'y a pas de doute finalement? Est-ce qu'à un moment donné, quand il y a doute, tu dis bon, c'est que c'est chelou. Si tu doutes, c'est Mélanie ah bah a doute, oui. Elle connaît son pote. Bah oui, elle ressent justement. T'as pas compris dans la phrase ça. Non, c'est tout, c'est ta tête, ton expression du visage, tout. Merci. Bravo pour les sourcils. Là. Je sais que t'as demandé la Domenech la semaine dernière. Mais d'où j'ai une Domenech? Oh la Raymond, oh, putain. Jure, en plus, elle me les a épilés au fil. Ah bah vraiment, pas c'est, la pince. C'est nickel. Hein. La prochaine fois, utilise la pince. Oh putain, ces gros sourcils noirs. Purée, mais je te déteste. En tout cas, entre toi et moi, c'est de l'amitié, même de l'inimitié. Mais arrête, ça. Ah ouais. Tu lui demandes ce que son pote pense de ses sourcils. Ah ouais. S'il arrive, il fait le canard, ouais. tout ça, ouais. Et que c'est dégueulasse, ben voilà, c'est qu'il veut se la faire. T'as vu, Mélanie, nous, c'est franc direct sur les sourcils. Ouais. Ouais, mais moi, ça va, j'ai des beaux sourcils. Bah oui. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Energy et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h sur Energy.

1er novembre sur Énergie, c'est Cédric. Bonjour tout le monde, on se fait la playlist Énergie là en pleine nuit avec Snake sur Énergie, Snake avec Cardi B. Snake a mixé cette nuit à Los Angeles pour une méga soirée d'Halloween. J'ai vu un peu passer les stories, ça avait l'air pas mal. Voilà. Snake sur Énergie dans moins de 3 minutes, juste le temps de se faire le meilleur de Koé. 17h, 20h toutes les après-midi sur Énergie et ce matin on met Best Of, écoutez. 17h, 20h, c'est Koé sur Énergie. Quelle est la situation que tu as vécue? Bon, alors déjà, faut resituer un petit peu, maison de mes arrière-grands-parents. Oui. Du coup, ma sœur a toujours ressenti des choses un petit peu bizarres que moi, non. Et un soir, on se couche toutes les deux, on était toutes petites, on avait... Et on Vous aviez quoi? Ça a coupé, il y a eu un tunnel. On avait 10-12 ans à peu près, avec ma sœur. On se couche dans l'une des chambres d'amis. Et on sent quelque chose, une tension, on sent du couloir au fond, quelqu'un qui nous regarde, qui arrive, on entend des choses bizarres qu'on n'avait pas l'habitude. Et ma soeur entendait souvent ce qu'on appelait des lessiveuses qui par terre en fait qui traînaient, et je l'entends et je me dis mais c'est pas possible, on se parlait pas, c'est quoi une lessiveuse? Une lessiveuse, c'est à l'époque, c'était des grands seaux où on lavait le linge, à l'époque de nos arrière-grands-parents. Et on avait ça, en fait, à côté de la maison, qui était posée. Et ma sœur l'entendait souvent, elle n'arrêtait pas de nous dire. Mais je l'entends. Et ce soir-là, je l'entends aussi. Et si, mais c'est pas possible. Et on avait la peur au ventre, il faut se mettre en situation, on a 12 ans. On sent quelque chose arriver vers nous, on voit rien. On Avec un bruit de lessiveuse. Avec un bruit de lessiveuse comme ça qui traîne. Votre grand-mère, c'était peut-être la mère Denis, non? Ouais, ça doit être ça. Ça c'est vrai. En fait, si tu veux, plus je sentais moi, parce qu'on s'en est parlé après, plus je sentais ça, et plus on sentait comme des vibrations du lit, la fenêtre. En fait, ça faisait très bizarre, on avait l'impression qu'il y avait un souffle qui arrivait, comme quelqu'un qui arrivait, qui courait, et qui faisait bouger les choses. Et en fait, on avait la peur au ventre. Et juste le plus incroyable, c'est que on a réussi par s'endormir. Et le lendemain, je dis à ma sœur, je dis écoute, il s'est passé quelque chose de fou. Oui. Elle me dit oui, je sais, je l'ai ressenti. On est venu nous voir et c'était quelqu'un. Et en fait, on en a parlé. On avait ressenti exactement les mêmes choses. On avait ressenti le souffle. On avait ressenti le lit bouger. Et on s'est fini nos phrases le lendemain. Et en fait, on avait vécu vraiment la même chose. Ah, il y avait quelqu'un qui était venu nous voir. C'est très flippant. Voilà. Vache, ça fait c'est peur. Très flippant. Et j'ai jamais eu d'explication. Ouais. Si, en fait, on pense que c'est notre arrière-grand-père, parce qu'après, on a fait des séances de spiritisme. Et en fait, il est mort chez moi, enfin, chez mon arrière-grand-mère. Et le jour où il est décédé, en fait, les vieilles portes, comme on connaît tous, qui, quand elles sont fermées, sont bien fermées. On faisait la veillée du corps à l'époque. Et en fait, le jour où il est décédé, la porte s'est ouverte. On a entendu la porte s'ouvrir. Et on nous dit après que le corps est resté. Et l'âme est certainement restée dans la maison. Oh là, et des fois, il est venu nous dire bonjour de temps en temps. Il est passé à la lessiveuse. Il pourrait envoyer un texto. Moi, je vais donc changer de pantalon. Ah, mais ça fait peur quand même. Voilà. Okay. Oh, tu m'as fait flipper. Ça fait flipper. Je te fais un gros bisou, Sandra. Je t'embrasse fort. Bisous, Sandra. Ouais. Sur une échelle de la peur, je te mets. Ah, bonne note. Ce qui est une très bonne note. 17h, 20h, c'est Koé sur Énergie. Como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba. You need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ay, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where

Main dans la main, vieux et fripé. On se rappellera les soirées qu'on faisait tous les deux à fumer des clopes déchirées. À danser au milieu du salon, tu t'as fait dans 2 heures. Les yeux imbibés d'alcool, déguisé en chopper. Quand tu te marrais à mes blagues les plus nulles. Quand on se donnait des surnoms ridicules. On dit que le temps détruit, mais le temps n'est pas notre ennemi. Parce que plus je te connais, et plus je me sens béni. Assez béni pour t'emmener à l'église. Dire au prêtre, oublie le truc où la mort nous sépare. On va rester dans cette vie. On aura plein d'enfants parce qu'il y a que ça qui compte. On dormira en pile et comme des maxi-monstres. Je vais enfin pouvoir me poser. La réponse à toutes mes questions s'endort à mes côtés. Qu'est-ce que j'irai faire au paradis? Ouais, jeudi matin sur Énergie, c'est Cédric. Bon réveil tout le monde, j'espère que ça va aujourd'hui. On est le 1er novembre, ouais, c'est férié. Si vous taffez aujourd'hui, bah bon courage. Et vous voyez, on est là pour vous, on passe la playlist Énergie. George Ezra, Clean Bandit avec Demi Lovato. On se fait ça dans moins de 3 minutes. Et puisque jusqu'à 9h30, on sait le meilleur de son émission, voici pour vous le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. Manu dans 6-9 sur Énergie. 50 nuances de gris. Si je pouvais, je ferais toute l'émission là-dessus. Ouais, c'est vrai. Johanna, bonjour. Salut Manu, salut tout le monde. Salut, coucou. Bienvenue sur Énergie, Johanna. 50 nuances degrés, première de la saison. Le principe est très simple. Tu es là, tu as préparé des questions, un petit peu, j'ai envie de dire, olé, olé, olé. que vous pourriez vous poser entre filles dans une soirée pyjama. Ouais. Ouais. Sauf que pour la première fois de notre vie, cette soirée pyjama, on a le droit d'y assister. Première. Et Paulette, Isabelle et Johanna, vous allez faire votre petite soirée pyjama 51 degrés. Ouais. Et nous, eh ben, on vous écoute. Ouais. Johanna, quelle est la première question? Alors, les filles, les plans à trois, plutôt avec un mec en plus ou une fille en plus? Oh là là. Ah ouais. J'adore tes questions, Johanna. Oui. Un plan à trois. Deux filles, un mec, deux mecs, une fille. Ouais. Isabelle? Moi, je dirais une fille en plus. Parce qu'en fait déjà ça m'amuse plus et je pense que je serais plus complice avec une fille plutôt qu'avec un mec que je connais pas qui déboulerait comme ça. Tu as déjà... Non, tu n'as jamais... Non, jamais. Ouais. Jamais. Paulette? Ah bah moi non, avec deux mecs. Je peux faire comme ça, tout est pour moi. Ça se tient. Et toi Johanna du coup? Alors écoute, moi j'en ai déjà fait un en fait. Avec donc une fille en fait en plus. Deux filles. Ah. C'était exceptionnel. Exceptionnel. Non mais d'ailleurs depuis en fait je revois même la fille de temps en temps mais que toutes les deux en fait. Waouh. Wow. Okay. Ouais. Oh Johanna, j'adore ton appel. Ah ouais. On continue. Vivement la deuxième question. Johanna, ce n'est pas l'homme qui parle, hein, c'est le scientifique. Oui, bien sûr, Manu. Nous écoutons ta deuxième question. Alors, vous préférez avoir le mec au-dessus ou en dessous de vous? Oh, ah ouais. Mais qu'est-ce que t'es génial, Johanna. Paulette? Ni l'un ni l'autre, moi. Sur le côté? Je suis sur la parité, le côté. Ouais. Ah ouais. Et ah en bon plus, j'ai découvert que c'était beaucoup mieux de cette manière-là. Beaucoup mieux, c'est-à-dire? Ça se passait mieux, quoi. C'est mieux pour moi, en tout cas. Et j'ai sondé. Tu apprécies plus, tu veux dire? Exactement. Sur le côté? Oui, voilà. D'accord, ok. Moi, sur le côté, je risque de m'endormir. Hein. position fœtale, bim. Isabelle? Moi, alors, vraiment, vraiment, hein, sincèrement, je peux pas choisir. Les deux. Bah, j'aime les deux. Dessus ou dessous. C'est chouette. Ah ouais. Vraiment, c'est comme me demander de choisir entre deux trucs. D'accord. Et si on rajoute quelqu'un, du coup, ça fait le hot dog. On est bien. Et toi, Johanna? Alors, moi, je préfère être en fait au-dessus de l'homme pour avoir le total contrôle de la situation. Ah ouais. J'adore contrôler. Ah ouais. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il se passe un truc entre nous parce que moi aussi. Ah ouais. Je préfère être en dessous. Ah. Mais alors, moi, c'est parce que je suis un gros flemmard. Ah. C'est ça. Non. Romantique. Dernière question, 50 nuances degrés, Johanna, on t'écoute. Ouais, alors, vous savez que vous allez coucher avec un garçon ce soir. Sous votre jupe, vous mettez

so long. Jeudi matin sur Énergie, c'est Cédric. Bon, à veille. Énergie, l'horoscope. On démarre avec les béliers, un coup de cœur en vue pour vous. Les taureaux, vous avez besoin de faire un petit break. Les gémeaux, la bonne humeur vous accompagne. Les cancers, la lune éclaire vos activités. Les lions, journée assez glamour. Quant aux vierges, une démarche porte ses fruits. Les balances, la lune met l'accent sur vos relations. Quant aux scorpions, un enjeu professionnel se profile. Les sagittaires, un ciel dynamique met votre vie amoureuse en valeur. Les capricornes, une question familiale se résout. Les verseaux, vous êtes en forme pour ce jeudi. Les poissons, votre créativité est au pouvoir. Voilà pour l'horoscope. Il dispo sur énergie.fr et la playlist énergie. On écoute Calvin Harris, Que Black, Lady Gaga et le meilleur de Manu dans 6-9 sur énergie. Bon réveil. Say everything's gonna be alright. Everything's